Derrière ce véhicule, je risque de trouver des ouvriers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D.